L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonsoir, très heureux de vous retrouver ici en ce mercredi sur l'antenne de votre radio locale pour l'apostrophe, l'émission. Une émission mensuelle que nous retrouvons effectivement le deuxième mercredi de chaque mois. Comme il a été dit, trois invités aujourd'hui pour cette émission. Elisabeth Boss, secrétaire générale et programmatrice jeune public à l'apostrophe. Bonjour Elisabeth. Bonjour. D'ailleurs, au passage, petite indication pour ceux qui ne le savent pas, dans le générique de cette émission, c'est la voix d'Elisabeth qui s'invite chaque mois dans cette émission. Bonsoir Elisabeth. Anne-Marie Lérac, secrétaire générale au Théâtre 95. Bonsoir Anne-Marie. Oui, bonsoir. Troisième invité qui va ouvrir cette émission, c'est Olivier Dubois, que nous avons eu par insert téléphonique, par phoneur, doit-on dire également, pour nous présenter Auguri, une fameuse pièce chorégraphique pour 22 interprètes. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Olivier, José de la radio RGB, pour parler de votre création Auguri, qui sera prochainement à l'affiche à l'apostrophe de Cergy-Pontoise, un lieu avec qui vous avez tissé de solides relations, bien plus qu'un compagnonnage. Ah oui, c'est vraiment un compagnonnage. Tout est parti du désir, ou peut-être de ce qu'avait cru voir en moi Jean-Joël Le Chapelain. Donc ça a commencé en 2006 avec le tout premier solo que j'avais fait, et depuis ça a été vraiment une fidélité, un accompagnement, surtout le travail, et la possibilité derrière ça, c'est d'inscrire aussi une relation avec vraiment le public de Cergy et toute l'agglomération, en fait. Ça devient un rendez-vous maintenant. Absolument. Vous êtes ancien artiste en résidence, donc vous avez eu l'occasion de tisser de solides liens, justement, tant avec le public qu'avec l'institution. Venons-en à Auguri, un spectacle où on s'interroge de bonne ou de mauvaise augure. Vous nous conviez à une quête d'absolu. Nous sommes tous à la recherche du bonheur. Est-ce que vous nous apportez des propositions, une direction? Mais je pose des questions. Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas, évidemment, y répondre. Auguri rentre dans un vaste projet qui a commencé il y a 10 ans, qui questionne ce concept d'humanité. En disant, le fait d'être humain ne fait pas humanité. Il va falloir sinon d'y réfléchir, il va falloir agir. Et donc on traverse les questions de résistance, les questions de genre, les questions de territoire, tout ça. Et la dernière était cet absolu qu'on porte tous à Auguri, qui est cette quête du bonheur. Mais ce n'est pas le bonheur dont je parle, c'est vraiment de cette quête-là. Et je pose la question, voilà. Et à partir à Auguri, parce que peut-être ça peut aider aussi, donc c'est cette célébration italienne où on dit Auguri comme ça pour fêter un anniversaire, un Noël ou l'achat d'une nouvelle voiture. Mais c'est aussi évidemment les augures, à la fois puisés dans l'Antiquité, c'est bien ça. Dans l'Antiquité, qu'on retrouve dans l'Antiquité romaine, grecque, égyptienne. En fait, on lisait à la fois c'était l'électeur de ces vols d'oiseaux, et c'était aussi ces vols d'oiseaux qui, selon leur trajectoire, pouvaient définir ou nous indiquer vers le destin est-ce qu'il fallait aller pour la guerre, toutes les questions qu'on pouvait évidemment poser et que les dieux devaient auxquelles les dieux pouvaient ou non répondre. Et donc je suis parti de ce constat en me disant cette idée. Si je pouvais observer la trajectoire des hommes sur la Terre, sur les courses et les pas que l'on fait, peut-être qu'on pourrait en savoir plus sur le destin de notre humanité. Mmh. Et voilà, je suis parti de cette idée-là, et en questionnant cette chose qui est cette quête du bonheur. Donc évidemment, ce n'est pas une pièce très réjouissante, c'est une pièce très aride, faite d'élan, d'urgence, de choc. Une pièce physiquement très très très très plus engagée pour les interprètes. Oui, et j'allais voilà. vous dire, j'ai lu et j'ai pu comprendre au travers de toute la phase de préparation qu'il s'agit d'une chorégraphie très physique, à tel point que vous avez même fait appel à un entraîneur d'athlétisme, c'est ça? Oui, absolument, entraîneur pour l'équipe nationale d'athlétisme là, qui, ben oui, parce qu'en fait, la physicalité de la course n'a rien à voir avec celle de la danse, et qui, en revanche, je voulais que ce soit des danseurs et pas des athlètes coureurs, parce que la partition est extrêmement complexe, il faut un savoir de corps que seuls les danseurs et les interprètes danseurs peuvent avoir. Par exemple, il y a une partition, c'est 1000 entrées et sorties au dixième de seconde, en réajustement permanent, donc ça, évidemment, c'est un savoir d'interprète de plateau. Mais il fallait pouvoir modifier, je dirais, la chaîne musculaire pour qu'il puisse tenir le coup sur une heure. Parce que ce n'est que de la vitesse de pointe. Il n'y a pas de jogging, il n'y a pas de marathon, il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment que de la vitesse à l'endroit où, vous savez, quand vous courez si vite, vous êtes complètement décalé vers l'avant. Et si vous arrêtez de courir, vous allez tomber. Oui, en plus, ce qu'il faut dire... vraiment très intense. Pardonnez-moi, ce qu'il faut dire aussi, quand on parlait des augures, les prêtres romains, c'est ceux qui étaient chargés de l'interprétation du vol des oui. oiseaux. Et il suffit, on a tous en mémoire, de vols impressionnants d'oiseaux en groupe dans le oui. ciel. Et on voit bien que par moments, ça peut se télescoper, ça peut être des balais incroyables au niveau... est-ce que ça a une influence dans votre travail? Oui, ça a été des recherches que j'ai menées, et ce qui est surtout pour moi le plus intriguant, c'est que dans ces vols d'oiseaux, il n'y a pas de choc. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas de choc, et que du coup, se dégage un mystère, on est face à un mystère d'une intelligence collective, absolument réinventée à chaque seconde, et là, ça c'est incompréhensible, c'est-à-dire comment le groupe entièrement arrive à créer cette intelligence-là. Et c'était ça, c'est un endroit vraiment qui est en soi passionnant. Et en même temps, j'ai travaillé sur un texte de Lucrèce qui parle de ce qu'on appelle le clinamen, c'est-à-dire qui a été très contesté. Il dit en fait, la trajectoire des atomes n'est pas droite. À un moment, elle se dévie, mais vraiment d'un micron, je ne sais pas, rien, et qui, bien plus tard, va créer le choc avec l'autre atome et va créer la vie. Et du coup, j'ai travaillé aussi sur cette trajectoire qui paraît si évidente, si claire. La tête, tout ça, tout va bien. Et à un moment, parce que c'est de l'humain, il y a de l'erreur, il y a du réajustement qui fait qu'on est obligé de changer sa trajectoire et que probablement, à un moment, il y aura choc ou rencontre. Ce travail physique, ça évoque aussi, ça traduit des éléments de la nature qui se déchaînent également? Oui. Pour moi, ce sont des furies, ce sont des foudres, des orages, des tonnerres, ce sont des éclairs, c'est électrique, c'est très électrique, il y a une charge électrique très forte dans cette pièce. Quête de l'humanité, quête de bonheur, alors une quête éperdue, une histoire héroïque, en même temps donc sur scène pour évoquer et traduire ce qui vient d'être dit, 22 interprètes, c'est bien ça, c'est oui, là vous faites un retour, certains ont dit, je crois avoir lu dans Les Inrecuptibles, Olivier Dubois revient à la démesure avec 22 ouais. danseurs. Mais... je sais pas, pour moi c'est la mesure, parce qu'en fait c'est avec de nombreux interprètes sur un plateau que tout mon travail prend sa force. C'est l'écriture que j'aime, donc c'est pas une démesure, je dirais, un peu grandiloquente comme ça, c'est que c'est vrai que vous voulez parler de vol d'oiseaux, vous parlez d'augure, vous parlez d'humanité, vous parlez, il faut presque créer une société sur un plateau, il faut de la diversité, et... Alors derrière, c'est un travail de production qui est lent, qui est lourd, qui est vraiment pas simple, mais moi j'aime profondément travailler avec une troupe, j'aime ça, et parce que c'est aussi derrière, c'est aussi une aventure humaine très forte, mais ce sont des paris, c'est pas tous les ans. Hein. Sur le plan musical, si vous parlez d'une symphonie électro qui accompagne, effectivement, qui met en mouvement l'ensemble, une musique que l'on doit à François Kaffen. Oui. Partenaire compositeur depuis le début. Il est sur toutes les pièces et là vraiment je lui ai demandé de travailler sur une musique autour du chaos, de l'origine, du Big Bang peut-être. Et pour le coup, pour revenir à cette question de démesure, je pense que la symphonie c'est la démesure musicale. Mais il y a un ordre, il y a une structure, il y a un mystère de l'harmonie. dans la symphonie, et je trouvais que c'était très très juste de l'associer à Auguri. Quête d'absolu, quête de bonheur. Est-ce que, au-delà de ce plaidoyer pour l'humanité, est-ce qu'il faut y voir une forme d'écho aussi à des sujets d'actualité? Je pense effectivement dans ces mouvements de migration, eh bien ceux qui s'opèrent et qui vont continuer de s'opérer dans l'avenir, la migration des réfugiés. On peut y voir un écho, évidemment. Moi, je ne commente jamais une situation d'actualité. Ce n'est pas la mission des artistes. Moi, je trouve toujours très peu d'intérêt dans le fait de commenter l'actualité quand on est un artiste. C'est une vision qu'il faut proposer. Après, évidemment, il y a une résonance sur l'actualité que l'on prend à ce moment-là, mais d'une actualité qui, si on prend un peu le temps, l'espèce humaine est une espèce de migration. Nous avons toujours migré et nous migrerons toujours. Mmh. Nous nous déplaçons sans cesse. On n'est pas l'Europe est devenue plus sédentaire et s'installe, mais la nature même de l'espèce humaine existe dans la migration. Je serais tenté de vous poser la question, est-ce que cette quête est perdue pour la recherche du bonheur pour tous? Est-ce qu'il faut y voir quand même de l'optimisme à l'horizon? C'est une pièce très dure, hein. Mais si on s'arrête à ce qu'elle dit, mais elle ne parle que de la quête, elle ne parle pas du bonheur, elle parle de la quête. Absolument. Et donc de l'effort, de cette urgence, du temps qui est compté, de cet idéal si l'on veut le défendre, il faut s'éventrer quelque part pour ça, et que peut-être cet idéal de bonheur, c'est après la vie, et que la vie n'est que la quête. Je crois que nous allons terminer sur ces mots. En tout cas, très envie d'aller découvrir ce spectacle qui a été créé, je crois, en 2016, c'est ça? Oui. Découverte à faire ici à Cergy-Pontoise et dans le Val d'Oise le 20 octobre prochain à 20h30 à l'affiche de l'Apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise. Un grand merci à vous, Olivier Dubois. Un grand merci. L'Apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. À suivre, eh bien, l'une de nos invitées en studio, Elisabeth Boss, secrétaire générale de l'Apostrophe. Il sera question de la programmation jeune public, mais également, dans ce cadre-là, de ces dimanches, prenez votre abonnement en famille. Une belle invitation à faire non seulement au jeune public, mais également avec les parents. Avant cela, Elisabeth Boss va nous présenter sa proposition musicale, nous dire pourquoi ce choix, Lovely Day de Bill Withers, prononcerons bien l'anglais sur cette antenne de RGB, même si effectivement nous sommes plus familiers pour le français, mais nous sommes en accord avec le choix de nos invités. Pourquoi ce choix ? J'ai réfléchi et je me suis dit que comme nous allions parler des dimanches en famille, cette musique-là, c'est une musique du dimanche matin. Un petit rayon de soleil, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, peu importe, ça fait du bien à l'âme et au cœur et ça met de bonne humeur. Ah, si ça fait du bien à l'âme et au cœur, partageons. When I wake up in the morning, love, sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When the day that lies ahead of me seems impossible to fail. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Évoquons donc avec notre invitée Elisabeth Boss les sorties en famille, spectacle avec sortie le dimanche. Peut-être l'occasion de nous dire un petit peu quelques mots concernant cette formule, cette proposition qui s'adresse au plus grand nombre. Au plus grand nombre, parents, enfants, familles recomposées, décomposées, mélangées, mixées, un peu pour tous, qu'on ait 7 ou jusqu'à 77 ans, intergénérationnel presque, des propositions artistiques à partager le dimanche après-midi, en famille, puisque depuis 2 ans maintenant, on propose ces rendez-vous le dimanche, donc une programmation pluridisciplinaire pour tous. Avec un tarif attractif ? Assez attractif, je le crois. Il y a une adhésion à partir de 10 euros et ensuite c'est 5 euros la place de spectacle. Peu importe qu'on soit 2, 3 ou 4 adultes et enfants, voilà. L'idée étant que les enfants amènent au théâtre l'un de leurs parents, voire les deux. Oui, c'est ça. C'est un peu selon le désir ou la motivation de l'enfant. Il peut venir avec ses copains et ses copines aussi. Il faut qu'il y ait au minimum un adulte et un enfant. Et ensuite, on accueille tout le monde. Voyons voir dans la programmation de cette nouvelle saison 2017-2018. L'offre est généreuse, est ouverte. Commençons par un spectacle qui sera plus que très prochainement à l'affiche, puisqu'il est cette semaine à l'affiche, donc au Théâtre des Arts à Cergy. C'est une légende de Raphaël Cottin qu'on a déjà accueilli dans cette émission. Son spectacle est proposé dans le cadre d'Escale Danse en Val d'Oise. De quoi s'agit-il ? Alors c'est une légende, c'est une invitation, un parcours qui nous emmène des ballets de cour de Louis XIV jusqu'à la danse-théâtre de Pina Bausch. Deux interprètes au plateau, on pourrait presque compter la musique aussi comme un autre personnage, mais aussi la lumière puisqu'il a fait un vrai travail d'orfèvre avec son éclairagiste. Donc c'est une balade, une découverte vraiment avec humour puisque Raphaël est quelqu'un d'assez rigolo, un très fin pédagogue, un enseignant aussi de la notation Labanne, pour ceux qui connaissent, qui est l'équivalent d'une partition musicale, mais cette fois pour la danse. Donc c'est un amoureux du corps et surtout il aime beaucoup transmettre et partager. Alors parler de la danse, c'est plus dans le corps que le langage sera partagé effectivement avec les spectateurs. Oui, alors là, chacun est à sa place, hein, on est dans un dispositif classique, donc tout se passe au plateau, mais en montrant de manière assez évidente les particularités de tel ou tel type de danse qu'il a choisi de montrer, ce qui fait que chacun va repartir avec un petit bagage, finalement, de ce qu'a pu traverser la danse et de ce que la danse a pu nous faire traverser dans le corps, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on se tient plus droit ou qu'est-ce que c'est qu'une ouverture sous Louis XIV ou voilà, des mouvements assez précis qu'on peut garder en sortant du spectacle. Pour les adultes qui seront présents, qui ont un peu, on va dire, de culture chorégraphique, on va retrouver les grandes figures, les grandes légendes de la danse ? Oui, on retrouve les grandes légendes et en même temps, je pense que ça fait surtout appel aussi à notre esprit d'enfant ou à notre état d'enfant, puisqu'il entremêle à chaque fois des petits moments de légèreté, de marelles à un endroit, ou des choses assez facétieuses en fait qui s'entremêlent aussi à la rigueur du geste qu'il met en scène à chaque fois. Donc on s'adresse et on s'y retrouve finalement, quel que soit notre âge, il y a quelque chose qui nous interpelle et qui vient nous chercher là à l'intérieur. D'ailleurs, Raphaël Cottin se prononce ces quelques mots pour montrer effectivement l'intérêt pour lui de proposer ce spectacle. C'est une légende, proposer un spectacle jeune public ayant justement pour sujet ce qui me construit depuis l'enfance, c'est concilier mes désirs de chorégraphe et mes Madeleines de Proust. Ça répond effectivement à cette curiosité qu'il va falloir éveiller auprès du public. Oui, c'est son premier opus jeune public qui a été présenté dans le festival In d'Avignon cet été. Deuxième proposition, donc là c'est une légende, c'est à voir cette semaine. Alors au moment de cette émission, c'est le jeudi 12 octobre sur séance scolaire 10h-14h30, le vendredi 13 octobre séance scolaire 10h-14h30. Par contre ce week-end, samedi 14 octobre à 17h et dimanche 15 octobre à 16h, l'occasion de venir en famille, comme il a été dit. Exactement, sur tous ces rendez-vous en famille d'ailleurs, je précise qu'il y a un petit goûter qui sera préparé à tous les jeunes et moins jeunes spectateurs, une ambiance de chocothéâtre un peu rigolote et plutôt délicieuse. Bon, bah, je vais venir prendre mon petit goûter dimanche alors. Venons-en à la deuxième proposition à l'affiche, un spectacle de cirque, mais avec effectivement presque une figure légendaire qui tourne un spectacle depuis plus de 25 ans, je crois savoir, c'est Slava, le clown Slava Poulounine, dans le Slava Show. Snow Show. Je savais que j'aurais trébuché. Faut dire qu'il y a de la neige, donc je trébuche dans son spectacle. Oui, il y a beaucoup de neige, beaucoup de poésie, de légèreté et de fantaisie, énormément d'effets, et en même temps. C'est plutôt un clown que... C'est un rapport plutôt au clown qu'au cirque. Peu de mots, pour ne pas dire pas. Et en même temps, on est transporté et sous le charme de cet imaginaire qui va occuper tout l'espace du Théâtre des Louvrains. Mais quand je dis tout l'espace, c'est vraiment tout l'espace. C'est-à-dire que ça va déborder du plateau, ça va aller dans la salle, ça va aller sur les fauteuils, ça va dégouliner, ça va sortir dans les halls du théâtre, il y en aura partout. Donc c'est de la magie, on en prend plein les yeux, plein les oreilles. C'est pour tous et là, c'est vraiment une fête. On le déclare à juste titre comme étant le plus grand clown du monde. En tout cas, toute la presse internationale partage cette appréciation. Ce clown russe, véritable légende planétaire à ne pas manquer. Poète du quotidien, car c'est plein de poésie au-delà de la performance du clown. Oui, c'est plein de poésie et de rêves, en fait. De rêves qu'il tente de transformer en petits bouts de réalité, en petites bribes de réel. Des choses toutes petites, toutes méticuleuses, des petits objets qui vont traverser le plateau. Voilà, il y a beaucoup de finesse aussi. Il y a des choses un peu grandiloquentes par moment et puis des choses toutes délicates, un peu comme de la dentelle. Avec aussi l'idée que le clown, quand on assiste à un spectacle comme celui-ci, on n'est pas seulement dans les éclats de rire, mais il y a une douce mélancolie qu'il nous partage aussi sur scène. C'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une forme de poésie et de délicatesse, de douceur qui nous enveloppe, qui nous enrobe, mais qui nous emmène dans plein d'ailleurs et dans plein d'endroits qui sont à l'intérieur de nous et qui vont chercher telle ou telle couleur. C'est un peu comme une partition musicale, en fait. L'occasion, c'est bien de vous inviter à découvrir ce Snow Show, le sien, à Slava Poulounine pour ce clown, le plus grand clown du monde, donc avec plusieurs représentations, le mercredi 10 janvier à 20h30, le jeudi 11 janvier à 19h30, le vendredi 12 janvier à 20h30, samedi 13 janvier, deux représentations dans la journée à 16h et 20h30, et enfin le dimanche 14 janvier, pareil, deux représentations à la suite à 15h et à 19h, le tout à l'apostrophe au Théâtre des Louvrets à Pontoise, qu'on se le dise. Troisième proposition, dans un style différent, Arthur et Ibrahim par la Compagnie du Double, sur une mise en scène et un texte de Amin Adjina, un texte presque autobiographique, si ce n'est parce que j'ai lu que l'auteur a puisé dans sa propre histoire pour écrire ce texte. De quoi oui. S'agit-il ? Alors, en fait, quand j'ai rencontré Amin Adjina, il était en train d'écrire ce texte. Et l'idée, c'était d'essayer de traduire au plateau un peu un état du monde. Et lui, il était très perméable, en fait, à ces questions de crise identitaire. Et l'idée d'amener ça au niveau de l'école et dans un regard d'enfant, dans une perception d'enfant, lui donnait une forme d'acuité, de justesse qui lui semblait importante à transmettre. Donc l'histoire de Arthur et Ibrahim, bah, ce sont deux enfants hein, qui sont dans la même classe, la même école, ils partagent leur récré, leur goûter, voilà. Et il se trouve que le papa d'Ibrahim ne comprend pas pourquoi son fils n'est pas ami avec Rachid. Et qu'il a choisi Arthur. Donc, alors Ibrahim et Arthur, ça leur pose vraiment des difficultés. Donc, ils vont inventer un stratagème. Et donc, Arthur va décider de ne plus s'appeler Arthur et en fait de s'appeler Mohamed. Et donc de décliner finalement une nouvelle identité qui va mettre à mal, qui va bousculer les certitudes des uns et des autres, de l'enseignante aux parents, aux animateurs, aux autres élèves, jusqu'à un événement inattendu, point de non-retour peut-être, je ne vous en dis pas plus, il faudra venir. Le tout sous la forme d'une comédie. Oui, c'est quand même très léger et très joyeux, puisqu'il y a beaucoup de gravité dans le fond, et parce que les enfants ont une forme de gravité, de sensibilité parfois que l'on ne soupçonne pas. Mais en même temps, il met aussi beaucoup de légèreté dans sa plume pour essayer de traduire cette histoire de manière, oui, plutôt joyeuse. D'ailleurs, il le dit dans une interview, Amine Adjina, l'auteur, qu'il y avait pour lui une urgence à écrire ce texte pour les jeunes, pour la jeunesse dans toute sa diversité, car c'est une manière aussi de rappeler que quand on parle des jeunes, on a tendance à croire que c'est un monobloc, mais c'est beaucoup plus divers qu'il n'y paraît. Exactement, c'est-à-dire que là, il avait un souci de montrer toutes ces questions qui existent déjà finalement et qui sont bien réelles déjà à l'école, dès le primaire. Et Amine Adjina, c'est aussi un artiste que l'on retrouvera cette saison avec Master, une proposition qui est en décentralisation à Menucourt, entre autres. Il invente donc, en effet, un spectacle, ce véritable comédie dans laquelle valsent les identités, un spectacle qui invite par le rire, et c'est important de le rappeler, tout en étant très sérieux dans la présentation qu'on en fait. Eh bien oui, ce spectacle invite par le rire à l'ouverture et à l'expérience du rapport à l'autre, car il s'agit de cela fondamentalement. Mais d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans tous les spectacles de la programmation. Absolument, ça va suivre c'est d'ailleurs. Donc juste un rappel, Arthur et Ibrahim, c'est à voir, et c'est à l'affiche le jeudi 8 février pour deux représentations scolaires, 10h-14h30, le vendredi 9 février, mêmes horaires, le samedi 10 février à 17h et enfin le dimanche 11 février à 16h, toujours à l'apostrophe, cette fois-ci au Théâtre des Arts à Cergy-Centre. Alors oui, le point finalement, le fil conducteur, on le retrouve sur le spectacle qui va suivre, Implosion suspendue, et en fait c'est deux spectacles en un. C'est oui, ça. Une soirée, quatre acrobates, exactement. Deux duos. Oui, une soirée, quatre acrobates, deux duos, c'est ça. Alors, commençons par le premier, Implosion suspendue. Alors, Implosion suspendue, c'est une histoire de traversée. Donc, c'est Pénélope Ozerman qui est trapéziste, chorégraphe, danseuse, qui a décidé de traiter ce rapport à l'autre dans la quête de l'autre, le refus de l'autre, l'attente de l'autre, le rejet, parfois la chute qui est presque là, mais pas totalement. Et en fait, on passe d'un trapèze à l'autre, situé à des hauteurs différentes. Elles sont deux au plateau. Et il ne s'agit que de ça. Histoire de rencontre, de désir, de dialogue, on pourrait dire, de corps et de tentative de balancement en balancement. Spectacle à la frontière de la danse et du cirque contemporain. Effectivement, avec une sculpture, j'ai bien prononcé, sculpture et structure à la fois, oui. Formée de sept trapèzes. Exactement, c'est un ballet aérien avec sept trapèzes. Et le sujet, l'altérité. L'altérité, oui, la rencontre de l'autre. Comme nécessité. Comme nécessité, oui. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans Nous, le deuxième spectacle. On n'est rien sans l'autre, en fait. Et là, Nous, c'est un duo de main à main, mano à mano, comme on dit, en Italie. Ils se sont rencontrés, c'est une belle histoire, ils se sont rencontrés à l'École nationale des arts du cirque en 2009. Mmh. Et le spectacle, eh bien, nous met en scène un porteur et une voltigeuse qui posent une question toujours aussi fondamentale. On vient d'en parler, la relation à l'autre, encore. C'est ça. Nous, c'est un peu nous. Voilà, c'est...

scolaire, 10h-14h30, le samedi 25 mai à 17h et enfin le dimanche 27 mai à 16h à l'apostrophe Théâtre 95, salle Visconti à Cergy-Centre. Et c'est un spectacle d'une bonne heure 15 minutes, approximativement, m'a-t-on dit, et à recommander. Pareil, là encore, en famille. Oui, en famille. La particularité, on les a déjà accueillis, Mathilde et Samuel, avec Hansel et Gretel au Théâtre des Louvrets. La particularité, comme tu l'as dit, c'est vraiment ce ciné-concert. C'est d'abord un film muet qu'ils réalisent eux-mêmes, qu'ils diffusent au plateau. Et eux sont là et ils font tous les bruitages, la musique live et une partition théâtrale qui est interprétée en direct. Voilà. Merci Elisabeth Boss pour toute cette présentation et je suis certain que ceux et celles qui ont écouté, eh bien, vont prendre la décision d'aller au théâtre en famille. Et merci. Je serai là dimanche, donc je vous attends. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Notre deuxième invitée en studio, Anne-Marie Lérac, secrétaire générale au Théâtre 95, avec la présentation des conférences débats qui vont se poursuivre un peu dans la continuité des saisons précédentes au Théâtre 95, qui nous invitait pour penser notre monde autrement, autant partager des conférences débats avec d'éminents intervenants pour nourrir la réflexion. C'est un peu ça? Oui, tout à fait, José. Effectivement, le TH95 a proposé de longue date des conférences, un espace de réflexion, d'échange, de débat au public, en écho souvent aux thématiques des spectacles qui étaient proposés en cours de saison. Nous poursuivons dans la tradition cette saison avec trois rendez-vous. On va développer les rendez-vous, mais avant cela, chère Anne-Marie Lérac, il va falloir nous présenter votre choix musical avec l'artiste Boubacar Traoré, Je chanterai pour toi. Une raison particulière pour ce choix musical? En effet, j'ai réfléchi. La première conférence portant sur le thème de la guerre, j'avais envie de donner une petite note d'humanité, disons, dans cette émission. Et il se trouve que Boubacar Traoré est un artiste, un chanteur malien que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années de cela. J'ai apprécié son humanité, son rayonnement, sa sensibilité et c'est vrai que régulièrement je l'écoute et cette petite note d'humanité, de générosité me paraissait être à propos, disons, dans le cadre un petit peu grave des conférences que je vais présenter après. Voilà l'occasion de partager ensemble votre choix et de découvrir pour certains de nos auditeurs Boubacar Traoré. Si tu savais comment je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Si tu savais combien je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Thank you. l'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Retour en studio avec Anne-Marie Léra qui va nous présenter eh bien les trois conférences qui sont prévues à l'occasion de cette saison nouvelle 2017-2018. Commençons par la première. Le mercredi 18 octobre, vous avez la bonne idée d'inviter Ludivine Bantini. C'est une historienne qui interviendra sur le thème, sur la thématique « La guerre ». Évidence et silence, le tout au pluriel. Oui. Quelques mots d'abord de présentation de cette historienne pour aussi, pour le coup, faire le lien avec la thématique de cette conférence débat. Oui, et bien pourquoi cette historienne? Tout simplement parce qu'elle s'est intéressée précisément au sujet de la guerre. Alors peut-être préciser pourquoi aussi ce sujet complexe, vaste, à la différence des thématiques que nous avions choisies la saison dernière, qui étaient plutôt des thématiques proches du quotidien des gens, c'est-à-dire le travail, l'éducation. Et bien cette année, c'est vrai que la thématique de la guerre nous a semblé être une évidence. Pourquoi? Parce que bien à travers les médias, on entend parler régulièrement de la guerre, enfin en tout cas des effets de la guerre à travers l'exclusion, les flux migratoires. Et il nous semblait intéressant d'aborder cette question dans la mesure aussi où au cours de cette saison, il sera question des fossés qui peuvent se creuser entre les très grandes richesses, la très grande pauvreté. Tout ceci étant aussi une des conséquences de ces guerres qui sévissent de par le monde, dont on n'a pas l'appréhension concrète, mais néanmoins une appréhension tout à fait abstraite à travers les médias. On trouvait que c'était intéressant d'avoir parmi nous une historienne justement qui resitue dans l'histoire, le passé, la façon dont les guerres avaient été présentes ou au contraire appréhendées de manière plus lointaine par les populations. Voilà. Oui. Sachant souvent quand on parle de la guerre, on a l'impression que ça se passe au loin, qu'on n'est pas forcément concerné. Ceux et celles qui disent aujourd'hui la France est en guerre, on n'est pas tous d'accord sur cette définition, cette vision de la guerre. Et il y a ceux d'ailleurs qui seraient plutôt favorables à toutes ces actions et opérations sur différents pays. Je pense au Mali, au Centrafrique, en Syrie ou en Irak. On sait qu'il y a de la guerre, conflits armés dans ces régions du monde. Mais il serait aussi question peut-être de pacifisme, de mouvements anti-guerre. Oui, tout à fait. Bien sûr que ces mouvements-là seront évoqués. Mais c'est vrai qu'il sera... Ce sera surtout l'aspect, abstrait et, dématérialisé de ces guerres, alors même que ponctuellement, on a quand même des informations sur des soldats qui ont pu être tués dans le cadre de certaines opérations. Par ailleurs aussi, on a tous en mémoire la guerre en Irak, les frappes chirurgicales, enfin tout ce vocabulaire très précis qui peut être employé et qui donnerait à la guerre un aspect peut-être propre qui déculpabiliserait les uns ou les autres. Et en fait, pourtant, la guerre, elle est bien là, il y a des morts. Et donc, elle replacera un petit peu toutes les choses, tous ces aspects divers. On nourrit beaucoup d'ailleurs à ce sujet de silence. D'ailleurs, c'est l'un des évidences et silence, tout ce qui est autour du secret défense, par exemple. Bien sûr. S'il y a des choses qui ne peuvent se dire et qui ne peuvent s'avouer. Hein, c'est un peu ça. Fait. Donc, exactement. Quand on parle de conférence débat, il y a une partie. Oui, en deux temps. Une partie en adresse vraiment avec des données objectives, historiques. Et puis, bien sûr, après un temps d'échange avec le public qui a la possibilité de poser des questions. Je précise que ces conférences ont été conçues par Anita Weber, qui est une personne avec qui nous travaillons régulièrement depuis pas mal d'années et qui justement se charge tâche de coordonner, d'éclairer aussi d'un autre point de vue la présentation de ces invités. Voilà. La guerre, évidence et silence avec Ludivine Bantini, donc cette historienne qui interviendra prochainement, le mercredi 18 octobre à 20h30 à l'apostrophe Théâtre 95 à Cergy Centre pour cette première conférence débat. La deuxième, la seconde, c'est pour le mois de mars prochain sur un sujet qui est prégnant, permanent dans notre société. Particulièrement ce mois d'octobre, on va parler de la journée mondiale du refus de la misère. Eh bien, cette conférence, exclusion et très grande pauvreté, on est dans le sujet, mais ce sera l'objet de cette conférence qui aura lieu le mercredi 21 mars à 20h30. Deux invités, deux intervenants, ceux qui connaissent bien le sujet. Oui, tout à fait, Christine Laconde, qui est directrice du SAMU social à Paris, et par ailleurs, Alfred Spira, qui est épidémiologiste et qui est confronté régulièrement aux problèmes de maladies qui refont surface, comme la tuberculose ou d'autres types de maladies qui avaient disparu et qui reviennent, liées justement aux conditions très problématiques de vie de certaines personnes exclues, marginalisées. Alors, pour des raisons diverses, mais souvent des personnes qui ont été en rupture familiale, rupture professionnelle. Et là aussi, on retrouve toutes ces personnes qui sont dans ces flux migratoires que l'on peut constater aux portes de nos villes. On le voit tous les jours, particulièrement à Paris, dans toutes les grandes villes, des villes comme ça qui se construisent de briques et de brocs aux portes des grandes villes. Toutes ces personnes ont recours aux associations, et entre autres le SAMU social effectue un travail formidable. Donc Christine Laconde viendra nous parler de ces différents types sociologiques qui peuvent exister, mais en dehors du regard purement sociologique, évidemment c'est là l'humain qui sera au cœur des débats, puisque elle a une approche tout à fait, elle essaye de donner un petit peu d'humanité à ces personnes et leur proposer des conditions de vie de manière à les aider à très bien échapper. Elle sera accompagnée d'Alfred Spira. Spira, justement, qui lui a ce regard là aussi très en prise avec la réalité des choses, une réalité assez difficile. Alors c'est vrai que nos conférences cette saison, certains spectateurs me l'ont fait remarquer, ne sont pas très gai, mais c'est vrai que c'était quand même l'idée de ces conférences depuis longtemps, d'être en prise directe avec les réalités de notre société. Il se trouve que cette année, les réalités étant ce qu'elles sont, ça nous semblait important d'aborder ces sujets. Et puis, la troisième conférence, je me permets un enchaînement, peut-être nous permettra justement d'avoir un regard un petit peu plus optimiste sur notre société, puisqu'il sera question de la vie dans les grandes villes et de l'humanité, de l'urbanité, enfin de la mise en regard, disons, de ce qui peut être l'urbanisation des grandes villes et l'urbanité qui pourrait qui tente de se faire jour dans cette évolution-là. Oui, parce que parmi les questions, effectivement, comment redonner sens à l'urbanité dans un univers urbain qui en manque. En même temps, le constat, effectivement, si on n'y prend pas garde, l'urbain se passera avant l'humain. C'est tout le sujet de l'échange de cette conférence débat. Tout à fait, avec Olivier Mongin, qui est donc un philosophe, quelqu'un qui a énormément travaillé, réfléchi sur les évolutions des villes. Alors, c'est vrai que sa réflexion est partie de l'observation qu'il a pu faire des mouvements qui ont eu lieu lors des printemps, ce qu'on a appelé les printemps arabes sur les places publiques. Et de là, il a élargi aussi ses observations à toutes ces villes qui se construisent un peu dans un peu nulle part. Par exemple, en Chine, des cités qui sont créées comme ça de toutes pièce. Et puis, bah, c'est ça, ces observations dont on parlait, à savoir la marginalisation de certaines franges de population aux abords des grandes villes. Voilà, donc il s'intéresse à tous ces phénomènes. L'exode rural. L'exode rural, puisqu'on observe que de plus en plus de gens quittent les campagnes pour venir dans les villes, trouver du travail, entre autres. Et donc, bah, lui est convaincu qu'il y a des formes de solidarité qui sont en train de se créer au sein des villes. Donc, il nous expliquera lesquelles et nous développera les politiques, disons, d'urbanisation qui sont en train de se développer dans différents pays du monde. Voilà. Une nouvelle civilisation urbaine, ça sera le thème de cette conférence débat avec Olivier Mongins, essayiste et philosophe, le mercredi 16 mai à 20h30 au Théâtre 95, avec un rappel pour la précédente conférence débat sur le thème exclusion et très grande pauvreté, avec l'intervention de Christine Laconde, directrice du SAMU social, et d'Alfred Spira, médecin et médecin bénévole, entre autres, du Secours populaire français et au SAMU social de Paris. Ça sera le mercredi 21 mars à 20h30, toujours au Théâtre 95. C'est à Cergy-Centre qu'on se le dise. Merci Anne-Marie Lérac pour toutes ces précisions et toutes ces informations. Avec plaisir. De quoi nous réenchanter pour penser notre monde autrement. Voilà. C'est tout le sujet de ces conférences débats. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Dernière partie de cette émission avec le Chant des Cygnes 2 en cours de création sur une écriture et une mise en scène de Joël Dragutin, tout ceci au Théâtre 95 à Cergy-Centre. Nous vous proposons de retrouver deux extraits de ce spectacle en cours de création et des réactions de spectateurs qui ont assisté à la répétition publique du 29 septembre dernier au Théâtre 95. Mes amis, depuis plus de 30 ans, nous ne parvenons pas à faire évoluer notre pays, ni à le mettre au diapason des réalités du monde et du 21e siècle. Alors voilà, mes amis, c'est une France nouvelle que je veux construire avec vous, avec un désir de renaissance que nous devons aujourd'hui conjuguer avec le désir de résistance, qui ont toujours été ceux de la France tout au long de sa grande histoire. Ce faisant, nous redonnerons ainsi à l'Europe et au reste du monde confiance en notre pays. Nous serons forts parce que nous aurons fait des réformes justes, nécessaires et efficaces. Nous serons forts parce que nous serons en phase avec notre époque. Nous serons forts parce que nous défendrons l'innovation et non l'immobilisme. L'esprit qui nous anime, c'est la défense des droits de chacun et la liberté de tous. C'est la réconciliation, c'est le dépassement de nos divisions, c'est changer la vieille politique pour agir, enfin, pour produire et consommer mieux dans une France libérée, débarrassée de règles devenues obsolètes. Ce que je vous propose, mes amis, ce sont des transformations radicales qui bouleverseront nos vies et nos certitudes, qui changeront notre manière d'être ensemble pour le meilleur et non pour le pire. Bienvenue aux intellectuels, bienvenue aux enseignants, bienvenue aux chercheurs et aux artistes qui sont les indispensables ressorts d'une société qui a perdu tous ses repères démocratiques et culturels. Quand notre intelligence est collective, elle peut surmonter tous les obstacles, car nous défendons alors le bien commun. La devise de notre République est « Liberté, égalité, fraternité ». Alors soyons libres, égaux et fraternels. Il faut abolir une fois pour toutes cette monarchie présidentielle à bout de souffle. Cette oligarchie au pouvoir ne représente pas le peuple, mais les intérêts de quelques privilégiés apatrides, adeptes de l'évasion fiscale. Moi, je vous propose de créer 1 million d'emplois dans des secteurs qui en ont besoin énergie renouvelable, justice sociale, santé pour tous, éducation prioritaire, relance industrielle, pour compenser les dizaines de milliers d'emplois dans des secteurs où les algorithmes, les machines, l'intelligence artificielle ont déjà remplacé les hommes. Nous voulons que revive la France. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. J'ai voulu venir à cette répétition parce que le titre m'intriguait. Et puis, toujours assister à une répétition professionnelle, c'est toujours très instructif. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu venir assister à cette répétition. Vous avez donc observé, vous avez écouté les échanges. C'était un temps particulier, donc difficile d'avoir une idée précise sur l'ensemble de la pièce. Cependant, qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que vous en retenez? Tout de suite, on voit que c'est une pièce politique. Dans cette séance, dans cette scène de répétition, on a bien vu l'ensemble des protagonistes avec les différents partis qui échangent sur la population, sur les partis politiques, sur l'immigration, sur l'économie. Et c'est une pièce qui est actuelle et c'est ça que j'apprécie, c'est qu'on assiste à une pièce de théâtre et en même temps on assiste à ce que les artistes peuvent penser du milieu politique et c'est très instructif. Vous découvrez à la fois le texte, vous découvrez l'auteur, vous êtes peut-être des habitués du Théâtre 95 ? Très peu, on fait 30 km pour venir, donc c'est une première et maintenant on s'est abonné et justement on est abonné et on verra la pièce là parce qu'on a pris déjà nos billets. Quelles impressions vous avez juste bien après avoir assisté à cette présentation répétition publique et le travail avec les acteurs qui étaient tous réunis sur le plateau, avec la relation avec le metteur en scène, l'auteur, parce qu'il s'agit aussi d'un auteur-metteur en scène? Je pense que c'est très intéressant. Enfin, ça nous donne un très bon avant-goût de la pièce qui nous attend, donc on va voir. Je suis impatient, je suis impatient de voir. Pour rappel, Le Chant des Cygnes 2, à l'affiche au Théâtre 95 à Cergy-Centre, du 15 au 25 novembre, une pièce écrite et mise en scène par Joël Dragutin. Il est temps pour nous de conclure cette émission. Pour toute information et toute réservation concernant tous les spectacles qui vous ont été présentés au cours de cette émission, pour l'apostrophe, je vous renvoie vers le 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 14 ou sur le site internet le www.l'apostrophe.net, l'apostrophe tout attaché.net, mais également pour le Théâtre 95 au 01 30 38 11 99, 01 30 38 11 99 ou sur le site internet au www.théâtre95 tout attaché en un seul mot.fr. Remerciements à nos invités ici en studio et y compris à celui qui a pu intervenir par insert téléphonique au cours de cette émission. Remerciements à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission et à Damien Gissars en studio pour la réalisation technique. Cette émission préparée et animée par votre serviteur et animateur José Guérin sera rediffusée samedi 14 octobre de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM, mais également sur internet en streaming, le www.radio-rgb.net pour la bonne adresse, puis ensuite disponible en podcast où vous pourrez écouter, réécouter à volonté cette émission. Le prochain rendez-vous avec l'apostrophe l'émission, c'est prévu pour le mercredi 8 novembre de 19 à 20h. Et j'avais envie d'ajouter aujourd'hui le mot de la fin. On a parlé de Raphaël Cottin son début d'émission. Il parle si bien de ce que peut nous apporter le spectacle vivant, tant pour les jeunes publics que pour le public en général. Le spectacle vivant construit la curiosité, interroge l'intuition, déclenche l'enthousiasme ou l'indifférence et sans nul doute invite au voyage. Eh bien, c'est ce voyage auquel nous vous invitons et nous vous convions sur RGB et à l'apostrophe et au Théâtre 95. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour une prochaine émission. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h.